Chers voyageurs, on approche tous ensemble de Noël et on se faufile dans la vallée des forfaits mobiles. Couvrez-vous, hein ! Ici, les prix descendent à 0€ ! Ah oui, 0€, c'est la magie de Noël ! Et ça fait surtout chaud au cœur ! Oui, oui ! À Noël chez SFR, ils gèlent sur les prix. Jusqu'au 7 janvier, le forfait starter est à 0€ par mois, puis 4€. Rendez-vous en magasin SFR. Offre soumise à condition, réservée aux nouvelles souscriptions. Prix client box, engagement 12 mois. Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'histoire d'une longue lutte, celle des salariés de Fralib et d'un rêve en quatre lettres, SCOP. Au lendemain de la crise financière de 2008, nombreuses sont les usines qui ont mis la clé sous la porte et nombreux sont les ouvriers qui ont vu leurs machines partir ailleurs, à l'Est, souvent. Chez les Fralib, l'histoire est différente. Pendant presque 4 ans, oui, 1336 jours, ils ont lutté non pas pour obtenir un meilleur chèque de licenciement, mais pour sauvegarder leur emploi chez eux. 4 années de lutte et un objectif, une utopie réaliste si je puis dire, la création d'une coopérative ouvrière de production, seul moyen de garder l'usine. C'est cette histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui, celle des gueules cassées de la guerre économique qui ont réussi à faire plier un géant de l'agroalimentaire. Notre invité aujourd'hui, Amine Guémin, l'avocat des Fralib. Vous entendrez également un reportage d'Anaël Verzo qui s'est rendu à la SCOP des ex-Fralib, baptisé SCOPTI, à Gévenos, près d'Aubagne. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Gémenos, ce n'est pas vraiment Marseille, pas vraiment Aubagne. C'est une commune française des Bouches-du-Rhône, au pied du Garlaban, traversée par une seule route, une départementale, la 396. Il ne s'agit pas vraiment de la France périphérique, pas vraiment de la France rurale, non. C'est l'une des villes de la France des angles morts, là où, hors du cadre médiatique, hors champ, les usines, les commerces, les classes d'école ferment. En 2010, 2 ans après l'éclatement de la crise dite des subprimes, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, il ne se passe pas un jour en France sans qu'on annonce la mise en place d'un plan social. À Gémenos, l'usine du coin pour nom, Fralib, une société qui fait partie du groupe Unilever, un géant mondial de l'agroalimentaire, leader en production de glace et de thé. Sans le savoir, vous avez sans doute dans vos placards ou dans vos frigos l'une des marques de cette multinationale anglo-néerlandaise. Amora, Carte d'Or, Mico, Fruit d'Or. Il y a aussi la marque d'infusion Elephant, née à Marseille et que le groupe a racheté en 1972. Et c'est notamment ces infusions ainsi que le thé Lipton que les 182 ouvriers de Gémenos produisent chaque jour. En 2010, le groupe, comme le site de Gémenos, se porte bien, les bénéfices sont là. Et pourtant, le 28 septembre 2010, les délégués syndicaux sont convoqués pour un comité d'entreprise extraordinaire. À la sortie de la réunion, Gérard Cazorla de la CGT annonce la nouvelle, l'usine ferme. La direction ce matin nous a présenté le projet de fermeture de l'usine de Gémenos, prétextant la compétitivité du site, bien évidemment, les coûts, et le marché qui baisse dans l'infusion en thé, donc le discours habituel pour mettre en place un projet qui va affecter 182 familles. Depuis son installation en 1989, la productivité de l'usine Fralib, calculée en nombre de boîtes produites par salarié, a augmenté de près de 50%. Mais pour chaque boîte de thé vendue entre 1,80€ et 2,30€, la part du salaire de l'ouvrier de Gémenos ne représente que 14 à 17 centimes. Alors, rien ne laisse présager cette décision de fermeture. Et pourtant, sur le parking de l'entreprise. Personne ne semble surpris. La rentabilité, les chiffres d'affaires comme les dividendes, ne semblent jamais suffisants. Les ouvriers de Gemenos ont l'habitude. En 2007, un plan social avait déjà fait tomber le nombre de salariés de 223 à 183. Trois années plus tard, c'est l'ensemble du personnel qui se retrouve sur le carreau. Ça fait 36 ans qu'on travaille pour cette société. Et voilà comment ils nous remercient. Ils nous mettent la clé sous la porte. En plus, ici, on est beaucoup de familles avec deux salariés dans la même entreprise. Et je vous laisse voir quel est notre désarroi actuellement. Bah, ma vie, elle est un peu foutue, quoi. Mon sentiment, comment on va faire pour payer les factures ? Pour Elisabeth, comme pour de nombreux autres salariés de Fralib, l'histoire se répète. Avant Gemenos, elle est en poste à l'usine du Havre. En 97, Unilever annonce sa fermeture. Selon la direction, l'opération vise à préserver la compétitivité de l'entreprise. Malgré une lutte de plusieurs mois, les ouvriers du Havre ne réussissent pas à sauvegarder leur usine. 53 familles acceptent alors de rejoindre Gemenos pour garder leur emploi. Certes, c'est toujours la France, mais ce n'est plus le village où ils sont nés, ce n'est plus l'école où leurs enfants ont grandi. Non, désormais, ils devront prendre des congés, rouler près de 1000 km pour revoir leurs proches, rester sur place. Et puis en 2010, tout recommence. Les mêmes mots, les mêmes raisons, les mêmes propositions de départ, ou presque. Désormais, ce n'est plus la France, on leur promet, mais la Belgique et la Pologne. Alors, comme il y a 12 ans, les ouvriers de Fralib décident de se battre, non pour obtenir de meilleures conditions de départ, encore une fois, mais pour maintenir leur emploi, ici, chez eux. On sait tous, et ça c'est indiscutable, et contesté par personne, le coût de nos salaires dans la boîte de thé, c'est 15 centimes. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus ? Faut qu'on vienne travailler bénévolement pour laisser le thé de l'éléphant à Marseille ? Et ça fait 118 ans que le thé de l'éléphant est en Provence, il n'est pas question qu'il se tire de Provence. Voilà. Tout comme les 182 ouvriers de l'usine, Olivier Le Berquier, imagine-t-il alors qu'une lutte de 1336 jours démarre ? En tout cas, et comme d'habitude dans ce genre de situation, le combat s'ouvre sur plusieurs fronts, judiciaires, économiques et médiatiques. Pour gagner, il faut s'imposer dans le champ des caméras. Manifestations, tracts, pétitions et appels au boycott de la marque Lipton ponctuent les premières semaines. Dans le même temps, les ouvriers imaginent différents scénarios afin de sauvegarder le site. C'est ainsi que naît l'idée de la coopérative ouvrière. Selon des experts et des économistes qu'ils consultent, un marché existe, un savoir-faire aussi. Bref, la reprise semble possible. Unilever refuse de l'imaginer. Pour le groupe anglo-néerlandais, la fermeture est inéluctable. Fin janvier 2011, la maison mère met sur pied un premier plan social. Désormais, seul le droit peut sauver l'usine. L'avocat Amin Gemin, défenseur des Fralib, épluche alors tous les documents à sa disposition afin de trouver une faille dans le plan social du groupe. Comment Unilever peut-il justifier la fermeture d'une entreprise quand le groupe annonce en 2010 un chiffre d'affaires de 44 milliards d'euros en hausse de 11,1% et un bénéfice net en augmentation de 26%? Le jour de l'audience, l'avocat du groupe ne convainc pas, à l'inverse de son collègue pour les Fralib. Le 7 février, le tribunal de grande instance de Marseille ordonne au groupe anglo-néerlandais de reprendre à zéro son projet de fermeture en raison d'irrégularités manifestes. Première victoire. Alors que Unilever se remet à la tâche pour entrer dans les clous, les salariés obtiennent du conseil régional un financement pour étudier la faisabilité de leur projet alternatif, la SCOP. En attendant, l'usine tourne toujours et reçoit quelques hommes politiques déjà en campagne pour la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon s'y rend fin juin 2011. François Hollande s'y arrête deux semaines plus tard. Des paroles sont échangées, des promesses aussi. Mais l'élection est encore loin et le temps presse. Le 22 juillet, une mauvaise nouvelle tombe. Le tribunal de grande instance rejette la demande d'invalidité du nouveau plan social. Le groupe arrête les machines et ferme l'usine. Du côté de la lutte, les nuits blanches sont de retour. Tout l'été, les salariés se relaient pour surveiller l'usine. Pourquoi ? Par crainte de recevoir un jour l'appel d'un camarade qui annonce que dans la nuit, les machines ont quitté l'atelier. Toujours est-il que ce premier été à l'usine se conclut par une lettre de licenciement. Elle arrive le 31 août chez 182 salariés. Collectif, le combat devient alors individuel. Chacun est seul face à cette lettre, face à sa propre vie, à ses propres problèmes, face à ce choix d'accepter ou non les conditions de licenciement. Les ouvriers ont-ils encore les moyens de se battre jusqu'à la décision de la cour d'appel? C'est la question. Et si oui, comment? Depuis presque un an, ils sont en lutte et imaginent des scénarios afin de sauvegarder leur emploi. Grâce au conseil régional, ils ont musclé leur projet alternatif à l'aide d'un expert. Selon le rapport, la coopérative est viable si Unilever cède le parc des machines, les bâtiments et la marque éléphant. Tout est possible donc. Alors, collectivement, une majorité d'ouvriers décide d'occuper l'usine pour gagner du temps. Le directeur, il allait sortir pour manger. Et quand il est revenu, et ben, c'est nous qui ont tenu le portail. Et donc, il ne pouvait plus rentrer. Il part au restaurant et il y reste. Maintenant, l'usine est à nous. Et on occupe l'usine pendant la bataille juridique pour casser le deuxième plan social. En quelques jours, l'occupation du site et la vie qui va avec se mettent en place. Des tours de garde jusqu'à la cuisine, des tracts aux préparations de banderoles, des manifestations au saut à la maison pour voir les gamins. Chaque ouvrier s'organise comme il veut et surtout comme il peut. Un quotidien suivi par de nombreux médias, régionaux comme nationaux. En ce mois de septembre 2011, France 2 y consacre même 5 longs reportages diffusés chaque jour dans le journal de 13h. Un an après le début de la lutte, la bataille médiatique est pour l'instant gagnée. À chaque action, des caméras et des micros sont là. Commence le 3 octobre, quand devant des centaines de salariés venaient les soutenir, les ouvriers accrochent sur le mur de l'esplanade de la basilique de Notre-Dame-de-la-Gare à Marseille une immense banderole où sont inscrits ces mots « L'éléphant vivra, Gémenos ». On va la voir jusqu'à Paris, la banderole. D'Andoum jusqu'à l'Estac, on voit la banderole, l'éléphant qui est le symbole et le patrimoine à la fois de la région et à la fois du pays, et il ne doit pas partir hors de France. La multinationale Unilever, elle, perd patience. Début novembre, la direction tente de déloger les occupants par la force, à l'aide de gardes du corps et de gros bras du coin. 5 ouvriers sont blessés, mais l'usine reste occupée. 10 jours plus tard, la décision de justice tombe. Les Fralib gagnent de nouveau. La cour d'appel d'Aix-en-Provence rejette en effet le second plan social, dont les propositions de reclassement ne sont pas sérieuses, comme le stipule le jugement. Alors à l'usine, c'est l'euphorie, on rit, on s'embrasse, on pleure, des larmes de soulagement, mais aussi de fierté, oui, de fierté d'avoir fait de nouveau chuter le géant de l'agroalimentaire. Et pourtant, ce n'est qu'une victoire passagère, car tous savent que le combat est loin d'être terminé. Déjà, plus de 70 salariés ont accepté de partir en échange d'un chèque. Oui, mais combien de temps pourront-ils encore résister? Des semaines? Des mois? Des années? En attendant, l'occupation est levée. Chacun retourne dans son foyer. Par chance, la présidentielle est dans quelques mois. Et Fralib est devenu un symbole que chaque candidat cherche à accrocher à sa veste. En février 2012, François Hollande, officiellement désigné candidat socialiste, est de retour auprès des salariés. Je demande qu'une table ronde puisse enfin se tenir entre toutes les parties prenantes pour l'avenir de Fralib et Gémenos. Cette table ronde doit réunir, bien sûr, le groupe Unilever, les représentants de l'État, les représentants des collectivités locales, pour qu'il puisse y avoir une suite au projet que vous avez vous-même présenté. Rien n'est fait, rien n'est acquis. Et si la victoire vient, je serai aussi à vos côtés, demain président de la République française, pour que votre site vive. Au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé, dirigé par Xavier Bertrand, on se méfie du plan de reprise proposé par les salariés. L'autogestion, les coopératives, la fin des patrons, ça n'a jamais fait partie du bagage idéologique de la droite. Dans le même temps, alors que les salariés attendent le verdict du troisième plan social, Unilever sort une nouvelle carte de son jeu. Le 5 avril 2012, le groupe annonce qu'il a trouvé un nouvel acquéreur pour le terrain, la société de chip Sibel. Une promesse de vente a même été signée. Quelques jours avant le premier tour de la présidentielle, les mauvais jours sont de retour. Le 20 avril, le tribunal de grande instance de Marseille valide le troisième plan de licenciement. Malgré la procédure d'appel, Unilever peut entamer les procédures et déménager les machines. Face à la situation, les salariés préfèrent attendre le bon moment avant de relancer la mobilisation. Le 6 mai 2012, le candidat socialiste François Hollande est élu président. 5 jours plus tard, à quelques jours de la passation de pouvoir, les ouvriers de Fralibas réinvestissent l'usine. Désormais, la balle est dans le camp du nouveau pouvoir et des promesses du candidat victorieux. Reste cette question. La coopérative ouvrière verra-t-elle le jour? Et quand le nouveau pouvoir va-t-il les accompagner dans cette aventure? Les hommes qui travaillent, qui ne sont plus que chiens de paille, qui émergent au petit jour d'un sommeil un peu trop lourd, de la poussière plein les paupières et le souffle un peu trop court. Les hommes qui travaillent, qui se réveillent vaille que vaille. Travailler pour qui, pourquoi, pour quel résultat, pour quelle vie tu crois? Donner sa vie à qui, à quoi, pour quel résultat, pour quel patronat? Travailler pour qui, pourquoi, comment fait-on pour tout prendre sur soi? On ne se voyait pas comme ça, peut-être pas comme au cinéma, mais quand même un peu plus beau et surtout un peu plus fier, et même un peu plus grand parfois. Si je te le dis, est-ce que tu me crois? Je n'en peux plus de cette vie-là. Je craquerai avant la fin du mois. Travailler pour qui, pourquoi, comment fait-on, pour quel résultat? Donner sa vie à qui, à quoi, pour quel résultat, pour quel patronat? Travailler pour qui, pourquoi, comment fait-on pour tout prendre sur soi? Travailler pour qui, pourquoi, comment fait-on pour tout prendre sur soi? Donner sa vie à qui, à quoi, pour quel résultat, pour quel salariat? Travailler pour qui, pourquoi, comment fait-on pour en arriver là? Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez dit que je reviendrai? Je suis content de vous revoir, comment ça va? Ça va impeccable. Bon, on tient le coup. Bon, écoutez, on avance. On est content. Ça va. Bonjour. Chez Menoz, 25 mai 2012. 10 jours après sa nomination au poste de ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, Arnaud Montebourg est sur place. Et devant les salariés, il annonce... Unilever accepte de revenir à la table des discussions et des négociations. Bravo. Deuxièmement, Unilever a pris l'engagement de ne pas demander l'exécution de la décision de justice demandant le concours de la force publique éventuelle s'agissant de l'évacuation de l'usine. Les négociations qu'ils attendent depuis des mois sont enfin ouvertes. La méthode du ministre est simple. Il souhaite que tous les projets soient étudiés, celui de la SCOP des salariés qui emploierait 103 personnes, comme celui d'Unilever et du fabricant provençal de chips Sibel, dont le nombre d'emplois créés s'élèverait à 55. Il faut donc attendre les rapports, les décisions. Alors, un second été à l'usine s'ouvre, un été qui ressemble au précédent. Des machines aux arrêts, des ouvriers à l'avenir incertain, des bonnes et des mauvaises nouvelles. Le Le 3 août 2012, la communauté urbaine de Marseille annonce avoir acquis le site de l'usine grâce à son droit de préemption. Le 17, l'inspection du travail refuse le licenciement de 14 représentants du personnel. Selon elle, la réalité du motif économique invoqué par l'employeur n'est pas établie. 3 jours plus tard, le directeur général d'Unilever, Paul Polman, annonce dans le Figaro qu'Unilever ne cédera ni sur la marque, ni sur l'accord de sous-traitance. C'est son droit. Mais sans cet accord, le projet de coopérative prend du plomb dans l'aile. En coulisses, les négociations entre l'État et la multinationale se tendent. Les ouvriers, eux, occupent toujours l'usine. Parmi les visiteurs du soir, quelques journalistes, comme Gellor van Viermersch pour l'émission « Là-bas, si j'y suis » de France Inter. À son micro, Gérard Cazerla explique le projet de la SCOP. C'est un projet qui a été mûri depuis pratiquement 2 ans. On a travaillé à un projet qui est viable, qui est aujourd'hui reconnu, y compris par le ministère du redressement productif. Ce serait quoi l'organisation rapidement d'une SCOP ? L'organigramme, c'est un conseil d'administration qui est élu par l'ensemble des salariés. Donc c'est un homme, une voix. Donc les décisions sont prises en assemblée générale et sont appliquées par un président et un directeur général. Et chaque salarié aura une voix, la même que le président, la même que le directeur. Vous n'avez pas peur de vous retrouver comme un petit îlot coopératif perdu dans cette grande jungle capitaliste ? Un petit îlot par rapport à la société actuelle peut-être, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont coopératives. Il y a plus de 50 000 salariés qui sont coopératives, donc on ne sera pas un petit îlot. Et si ce petit îlot continue à grossir, augmenter ce petit îlot pour qu'il devienne une île et qu'après il devienne un pays, oui, peut-être. Pourquoi pas ? Au début, la SCOP, c'était juste une bouée de sauvetage pour gagner du temps, pour se donner du courage. Et puis en 2 ans, elle est devenue un projet collectif, un rêve commun de travailler de nouveau, ensemble, comme avant, de retrouver l'atmosphère d'antan. Non par nostalgie, bien que, mais par choix, pour eux-mêmes et pour les consommateurs. Avant les années 2000, l'aromatisation était naturelle. Les labos étaient de vraies cuisines dans lesquelles les aromatiseurs travaillaient des matières nobles. Comme le rappelle Yves Baroni au micro de Diffy Mariani de France Culture. On avait des épices, de la cannelle, du poivre, on avait des fleurs, des pétales de rose, etc. etc. On avait des zestes d'agrumes. C'est une éleveur, donc par souci de coût et de profit, donc on a remplacé l'aromatisation naturelle par de l'aromatisation avec des arômes synthétiques, ce qui fait que ce n'est plus de la cuisine, ce n'est plus un savoir-faire. C'est tout simplement un mélange. Tu prends une bétonnière, tu prends du thé, des billes synthétiques et tu mélanges le tout. L'industrie agroalimentaire est synonyme de malbouffe. Elle est synonyme de malbouffe parce qu'il y a une volonté de générer énormément de profits. Alors que c'est pour ça que nous, on est une industrie, hein, notre site, mais on va prouver que nous, on va faire des bons produits. Alors on fera moins de marge. Une autre industrie, d'autres pratiques sont possibles, oui. Enfin, du moins, ils l'espèrent. Leurs thés et infusions seront locaux, bio, engagés. Le 14 novembre, les salariés discutent du projet de statut de la future entreprise. Toutes les questions sont posées, les futurs profits, l'organisation du travail, l'investissement. Le 16 novembre, le projet de SCOP est présenté au ministre de l'économie sociale et solidaire. Devant les journalistes, Benoît Hamon promet de faire au plus vite pour trouver une solution et obtenir le soutien de la Banque publique d'investissement. Les salariés sont prêts, ils attendent juste le soutien de l'État et l'accord d'Unilever pour prendre leur envol. Chez Unilever, on attend la décision en appel du troisième plan social. Combien le groupe perd-il chaque jour depuis la fin de la production ? Est-ce encore rentable de refuser de négocier ? Apparemment oui. Le 28 février 2013, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence retoque le troisième plan social. Unilever se trouve alors face à un choix. Présenter un quatrième PSE ou négocier enfin et sérieusement avec les salariés. Et bien une fois de plus, il joue la montre. L'État, lui, hésite à forcer la main. Alors les salariés se sentent trahis. Que sont devenues les promesses de François Hollande ? Début mai 2013, les ex-Fralib montent à Paris et occupent quelques heures le ministère de l'Agriculture afin de se rappeler aux bons souvenirs du président. On est dans un cas de figure où il y a une décision de justice. Unilever refuse de l'appliquer et nous, on est démunis pour leur imposer. Donc on est venu chercher ici auprès de l'État, puisque le chef de l'État, quand il était en campagne électorale, nous avait dit « Je suis à vos côtés en tant que candidat à l'élection présidentielle, je serai à vos côtés en tant que président de la République ». Donc ça doit être le cas aujourd'hui, il est président de la République, il doit être à notre côté. On a une décision de justice, elle est très claire, annulation de l'ensemble des licenciements et ordonne à Unilever de reprendre un plan social. Qu'ils appliquent la loi, c'est tout ce qu'on demande, pas plus. Un conseiller d'un ministère les reçoit, mais l'État ne peut aller plus loin. C'est à devenir dingue. À trois reprises, la justice leur a donné raison et pourtant rien ne bouge. Même les journalistes semblent perdus. Les ouvriers de Fralib sont-ils toujours licenciés, salariés? Leur dossier est-il devenu vieille affaire judiciaire, quasi cold case social? Quelques journalistes locaux seulement suivent toujours le combat. Pourtant, les ouvriers refusent de baisser les bras et la garde. Au mois de septembre 2013, ils font même tourner les machines afin de produire un tilleul de la solidarité pour la fête de l'UMA. La scope qu'ils imaginent depuis des mois devient, oh, de façon éphémère, mais réelle. Devant la caméra de Claude Hirsch, un documentariste qui les suit depuis 2010, les ouvriers rêvent à haute voix de leur scope. Ce qui est beau, c'est que, et ce qui me plaît dans le projet de scope, c'est que ça va être complètement différent de ce qui se fait chez dans les multinationales. Et c'est la collectivité, quoi. On travaille tous ensemble. On est tous sur le même bateau. Maintenant, s'il faut être opérateur ou s'il faut être, je sais pas, Caris ou je ne sais trop quoi, faut faire tourner cette usine, bah, je ferai tourner, voilà. Parce que ça sera notre usine, ça sera nos machines, que tu fasses ça ou ça, tu travailles pour notre entreprise. Là où on va les piéger, c'est la qualité du produit. Il faut quand même savoir qu'on était les seuls à faire l'aromatisation naturelle ici. On était incontournables au niveau européen. Le 22 octobre 2013, ils célèbrent une nouvelle victoire. Après 1120 jours de lutte, le tribunal de grande instance de Nanterre condamne Fralib à reprendre la procédure conduisant au licenciement de 182 salariés. Quatre mois plus tard, Unilever infléchit un peu sa position. En plus d'une enveloppe de soutien de 2 millions d'euros et 300 000 euros, il propose 90 000 euros par salarié pour mettre fin au conflit. Il suffit que l'un de ses salariés signe pour mettre en péril le projet de scope. La rencontre a lieu en février 2014 au tribunal des prud'hommes de Marseille. Alors, vont-ils se laisser tenter? On passe un par un. Et le truc, c'est donc que tu rentres. Donc, Monsieur Baroni, oui, voilà, vous acceptez 90 000 euros, on vous fait le chèque, et puis vous signez le papier comme quoi vous dédouanez Unilever, etc., etc. Ben non. Ben non, tu m'achètes pas. Et tu sors. Et donc, avec les copains, tu discutes. Non, moi, j'ai pas signé. Mais tu vois, certains se regardaient un peu en chaîne de faïence. Et il est sorti l'avocat en disant, mais les gars, il n'y a personne qui a signé. Et là, putain, c'est énorme. C'est énorme. Il n'y a personne qui a signé. Alors que Unilever, ils avaient dit à notre délégué, Olivier, ah, vous aurez des surprises tel jour, vous verrez. Et ben voilà la surprise que personne n'a signée. Depuis le début de la lutte, au fil des plans sociaux, d'autres salariés avaient accepté les propositions de l'entreprise, par fatigue de combattre des géants, par inquiétude de voir un chèque ne plus se présenter. Ceux-là sont désormais des licenciés, des sans-emploi ou des ouvriers d'autres sites. Les derniers Fralib, eux, ont préféré rester ensemble jusqu'au bout. Ensemble, ils ont dit non. Ensemble, ils ont lutté. Ensemble, ils souhaitent prendre le risque de lancer une scope. Et c'est côte à côte, soudés, qu'ils célèbrent enfin la victoire. Le 26 mai 2014, après 1336 jours de lutte, Unilever accepte de signer un accord de fin de conflit. Les négociations ont été serrées, mais les employés obtiennent une enveloppe de 19 millions d'euros pour le personnel et surtout pour la création d'une société coopérative. La marque éléphant, comme l'accord de sous-traitance, ont été refusés. Qu'importe, la victoire est belle. Collectivement, les ex-Fralib votent la fin des conflits. Les Fralib ont décidé à l'unanimité d'approuver la signature d'un protocole d'accord avec le groupe Unilever. On reste ici, on est chez nous maintenant ici, c'est-à-dire que tout nous appartient. On est arrivé à avoir l'outil industriel, on est arrivé à avoir nos emplois conservés sur le site de Gemalas. Et on n'a pas besoin d'être délocalisé nulle part. Ce 26 mai 2014, sur les t-shirts des ouvriers victorieux, on peut lire « Scopti, c'est parti ». Scopti, oui, pour Société Coopérative Ouvrière Provençale de thé et infusion. Voilà le nom qu'ils ont choisi pour leur scope. Désormais sans patron, ils doivent tout imaginer. Ils doivent créer une marque, obtenir des labels et des certifications, mettre aux normes les machines, créer un packaging, rechercher les matières premières, des fournisseurs. En août 2014, les statuts de la Scopti sont officiellement déposés. 58 salariés ont accepté de mettre au pot et de devenir ainsi coopérateurs. Peu à peu, on redémarre une par une les machines. Oh, certaines sont endormies depuis plus de 3 ans, alors les techniciens les relancent doucement, vérifient les rouages, les clapets, les bobines, comme les rouleaux de papier filtre. De nouveau, dans les labos, les odeurs de thé se propagent. Le 24 mai 2015, à 13h36, devant les caméras et les micros, la production est lancée. ...1294 jours plus tard, au pied du Garlaban, la Scope vit toujours. Si jamais tu cherches un refuge, une place où personne ne te juge, tu trouveras toujours chez moi un endroit qui ressemble à ça. Si un jour tu sens le besoin de parler à quelqu'un, de mettre des mots sur tes peurs, si tu en as gros sur le cœur, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Je n'ai pas de bagage magique, docteur miracle, tout le cirque. Mais si tu pars à la dérive, je serai là. S'en va des paroles en l'air, ni des promesses à la légère. Mais ma déclaration d'ami, peut-être un peu d'amour aussi. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Quelle que soit la raison, ni comment, ni pour combien de temps, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Si jamais tu cherches un refuge, tu peux compter sur moi. Une place où personne ne te juge. Tu peux compter sur moi. Tu trouveras toujours chez moi. Tu peux compter sur moi. Un endroit qui ouais, tu peux compter sur moi. Si un jour tu sens le besoin, tu peux compter sur moi. De parler à quelqu'un, tu peux compter sur moi. De mettre tes mots sur tes ouais, peurs, tu peux compter sur moi. Si tu en as un gros sur le cœur, tu peux compter sur moi. Ce ne sont pas des paroles en l'air, tu peux compter sur moi. Ni des promesses à la légère, tu peux compter sur moi. Mais ma déclaration d'ami, tu peux compter sur moi. Peut-être un peu d'amour aussi. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les Fralimbes, notre invité, Amine Guénim, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous invite à vous rapprocher du micro, qui est un petit peu loin de vous. Je le rappelle aux auditeurs, vous étiez l'avocat du CEO de Fralimbes tout au long de ces 1336 jours de lutte et de bras de fer avec le groupe Unilever. Nous l'avons évoqué durant le récit, hein, comme souvent, une partie des luttes ouvrières et salariales se joue devant les tribunaux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui vous a poussé à défendre les salariés des Fralimbes? Quel a été votre premier contact avec ce dossier-là? Dans la réalité, j'étais déjà avocat des organisations syndicales et du comité d'entreprise de Fralib depuis ah oui, de nombreuses années. Naturellement, vous êtes retrouvé là. Et puis, donc, est arrivée cette annonce de la fermeture, cette annonce particulièrement brutale. Et donc, c'est aussi le caractère particulièrement injuste et injustifié de cette fermeture qui a été une motivation. Racontez-nous ce qu'ils ont dit. Comment ils ont réagi, ces salariés, quand ils ont appris la fermeture? Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue humain? Sur le plan humain, c'est vécu comme une très grande injustice. Ils savent que leur site est rentable. Ils savent qu'ils ont une connaissance de leur production qui est absolument incomparable. Ils savent que le site est viable. Ils savent qu'on peut encore produire dans ce lieu et qu'on peut encore vivre de son travail dans cette entreprise. Et donc, ils apprennent cette nouvelle brutale et totalement infondée, injustifiée. Et je pense que c'est cela qui explique cette réaction âpre, cette résistance absolument incomparable que l'on a retrouvée chez ce collectif de salariés. Je crois que c'est cette grande injustice qui va être un facteur absolument déterminant dans leur mobilisation et dans leur volonté de préserver l'outil industriel. Alors, ce qui est important à signaler, c'est que dès le départ, dans ce conflit, les salariés ont très clairement annoncé que leur objectif était de préserver l'outil industriel et de préserver leur emploi. Et donc, dès le départ, il n'était absolument pas question de négocier, comme vous l'avez très bien indiqué dans votre reportage, les conditions matérielles de leur départ et donc l'acceptation de la fermeture du site. Donc, dès le départ, c'était, je me souviens de leur slogan, « Pas un boulon, pas un écrou ne sortira de cette usine ». Et dans la réalité, cet objectif sera très largement réalisé. Alors, Unilever leur propose donc des reclassements, des mutations, entre guillemets, notamment en Pologne. Alors, oui. Racontez-nous ça. De quoi est constituée une lettre que vous recevez comme ça un jour? On vous dit, ben voilà, on vous propose, et pour 250 euros. Alors, bien sûr, c'est indexé sur le coût de la vie en Pologne, mais enfin bon. Il y a quoi sur une lettre comme ça? Ça paraît tellement. C'est absolument scandaleux, surtout quand on sait le nombre d'implantations industrielles qu'avait qu'a le groupe Unilever en France. Qui est un mastodonte partout. Alors, vous l'avez évoqué dans votre reportage, et que trouve-t-on de bien à proposer à ses salariés? C'est des postes, comme vous l'avez indiqué, en Pologne, et avec donc des salaires absolument dérisoires. Et d'ailleurs, ce qui aggrave un petit peu le caractère ridicule de ces propositions de reclassement, c'est que pour justifier la fermeture de l'usine, on a comparé les conditions de production et donc les coûts de production. On a fait une comparaison toute bête entre les conditions de production en France et celles qui prévalent à Katowice en Pologne. Et donc, d'ailleurs, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a qualifié dans des termes très sévères le caractère inacceptable de ces offres de reclassement, puisqu'elle disait, je crois de mémoire, que ces offres n'étaient pas sérieuses. Alors on le répète, cette entreprise va bien d'un point de vue économique. Est-ce qu'on peut parler là de licenciement ou de fermeture préventive? En prévision de on ne sait pas quoi d'ailleurs. Nous ne sommes absolument pas dans ce dossier en présence d'une fermeture préventive, puisqu'il n'y a pas de difficulté ni réelle, ni donc difficulté avérée, ni en perspective. Donc c'est pire que préventif, quoi. Absolument. C'est une fermeture qui est totalement injustifiée. C'est qu'à l'époque, on avait déjà les premiers arrêts de la Cour de cassation qui acceptaient le principe de fermeture d'usine à titre préventif quand en perspective des difficultés économiques ou financières pouvaient apparaître. Mais dans le cas de Fralib, c'est vraiment la fermeture totalement infondée, injustifiée. Ce que dit la Cour d'appel, hein, oui. on est à la deuxième étape du processus judiciaire. Elle annonce que les magistrats parlent pour le second PSE, les magistrats parlent de propositions de reclassement non sérieuses. Oui. Alors j'aime bien le terme de non sérieux, d'autres peuvent dire scandaleuse, mais la justice n'est pas là pour faire des jugements de valeur, mais des jugements tout court. Il y a dit non sérieuse. Qu'est-ce que ça veut dire non sérieuse? Ça veut dire que ce groupe n'a pas pris le temps, n'a pas fait l'effort de proposer à ses salariés des postes dans d'autres sites industriels du groupe. C'est-à-dire qu'en gros, quand on dit qu'une proposition n'est pas sérieuse, ça veut dire qu'elle est faite pour ne pas être acceptée. Imaginez des salariés qui sont... Pas recevables, quoi. Voilà, absolument. Vous dites à quelqu'un, écoutez, vous allez aller en Pologne et vous allez gagner 250 euros par mois. La réaction du salarié est absolument évidente et immédiate et on peut la comprendre. Le groupe aurait fait des propositions plus sérieuses et acceptables. D'ailleurs, j'ajoute que les quelques autres propositions qui avaient été faites sur des sites français étaient tout aussi ridicules et pas sérieuses. Pour la simple raison, je me souviens qu'il y avait une proposition sur un site, je crois, du côté de Dijon, l'un des sites d'une usine Amora, qui était lui-même en restructuration et on proposait aux salariés de Fralib d'aller sur ces sites où des plans sociaux étaient déjà en cours. Voilà, ah oui. Voilà le peu de sérieux de ces propositions. Et c'est ce qu'on avait indiqué dans nos conclusions. Bien. Alors, arrive cette solution de la SCOP, Société Coopérative Ouvrière de Production. Alors, comment ça se construit, ça? Il y a une idée. D'abord, qui promeut cette idée au sein de ceux qui luttent? Et comment ça se passe? Est-ce qu'il passe par un cabinet? Racontez-moi comment se passe la création de cette SCOP-là, des SCOP en général. C'est d'abord les salariés qui le décident. Alors, au départ, la configuration juridique définitive n'est pas encore définitive. Ils se disent, l'idée, c'est de récupérer l'outil industriel, c'est de continuer à travailler, à produire, et nous allons voir progressivement sous quelle forme sur le plan juridique. Donc la forme de SCOP n'est pas le choix qui est fait dès le départ. Ouais. C'est encore un débat qui est complètement ouvert. Donc ensuite, ils se réunissent, ils se font aider par un expert comptable, celui qui était l'expert comptable, le cabinet Projexa. Qui est, voilà, Projexa qui était le cabinet habituel du comité d'entreprise. Et c'est comme ça, donc, qu'il y a des études qui sont faites, des études de marché, des études sur le bassin de l'emploi, avec un soutien, il faut le souligner, donc du Conseil Général qui avait accepté de financer cette étude. Et donc, on débouche sur des conclusions qui sont fort intéressantes, et c'est à partir de là, donc, à coup d'assemblée générale, les salariés décident donc de constituer cette SCOP et commencent donc à discuter de ses contours, de ses règles de fonctionnement. Et ces débats vont se poursuivre même beaucoup plus tard, jusqu'au dépôt des statuts en 2014, comme vous l'avez indiqué, au mois d'août précisément, si mes souvenirs sont bons. C'est exactement au mois d'août, en deux fois au mois d'août. Unilever change de stratégie, donc, notamment dans le choix de proposer des indemnités. C'est en 2013. Est-ce qu'elle change de stratégie Unilever face à la volonté de créer une SCOP? Comment réagit le groupe, la multinationale? Je crois que le groupe Unilever, au départ, a très largement sous-estimé la résistance qu'allaient opposer les salariés. J'en suis profondément convaincu, et ses dirigeants ont dû estimer que des propositions financières intéressantes allaient conduire donc à un éclatement du collectif. Je crois que le groupe s'est trompé sur ce point. Et ensuite, je pense aussi que y compris en termes d'élaboration de leur stratégie, je pense qu'ils ont fait des erreurs importantes, à mon avis, sur le plan de leur relation avec le collectif des salariés. Je pense que un dialogue sincère et dès le départ aurait conduit donc à une solution négociée dans des conditions meilleures et pour le groupe et dans des délais plus intéressants, aussi bien pour l'une que l'autre des parties. Ce ne fut malheureusement pas le cas. Mmh. Et comme vous l'indiquez, c'est un conflit qui a duré plusieurs années à travers des péripéties judiciaires qui ont été longues, interminables et parfois difficiles et complexes. Quand vous dites que Unilever a sous-estimé la volonté et la réaction des salariés, c'est aussi un problème culturel entre des Anglo-Néerlandais et des Français? Peut-être, mais je pense que cet état d'esprit, vous le retrouvez également, y compris dans la culture du patronat en France. Il y a une véritable sous-estimation de cette capacité, parfois, de résistance des salariés. Il y a aussi une sous-estimation de leur savoir-faire. C'est que, voilà, avec la création de cette SCOP, vous avez la preuve que des salariés ont pu se réapproprier un outil industriel. Et on va y venir, justement. On va aller les visiter. D'abord, quel est votre souvenir de ce grand jour de mai 2014 avec la signature de cet accord pour une SCOP? Oui, c'est un moment important dans la vie dans ce conflit, et un moment important pour nous tous, y compris pour moi-même à titre personnel. Je crois que c'est un moment qui est absolument inoubliable, et c'est une belle victoire pour ces salariés, et je suis vraiment très content de les avoir accompagnés modestement. Alors, c'est pas sans risque non plus, la création d'une SCOP, comme la création de toute entreprise, d'activité économique. Comment ça se passait? L'envie de s'en sortir et de cette façon-là, transcender les risques qu'il pouvait y avoir? Bien sûr. C'était ça, en fait. Ils avaient une détermination absolument incroyable, et c'est encore le cas aujourd'hui. On va peut-être en parler tout à l'heure dans le détail, mais ils produisent et ils commercialisent dans Monsieur, un contexte. On y va. On va y aller ensemble, d'accord? Grâce à Annaëlle Verzeau, notre reporter, que je vous présente. Bonjour. Donc Annaëlle, bonjour. Vous êtes allée voir la SCOP à Lubenos. Voilà, l'usine qui a d'ailleurs gardé des traces de la lutte des Fralib. Il y a sur plusieurs murs des peintures d'Utché. Dans un bureau, il y a aussi un portrait d'Ambroise Croizat, vous savez, le créateur de la sécurité sociale. Et donc, une quarantaine de coopérateurs y travaillent et font pas seulement que travailler, ils votent en assemblée générale. Alors, coopérateurs, oui, parce qu'ici, on ne s'appelle pas ouvrier, cadre ou salarié, on est bien des coopérateurs. Voilà, c'est une SCOP. Alors, une SCOP sans retour sur investissement pour les actionnaires, ça c'est un peu le théorème, hein. Tout est reversé dans l'entreprise, c'est le contraire du modèle capitalistique, enfin c'est autre chose. Donc vous avez visité cette usine avec Olivier Leberquier, qu'on a cité dans le récit, l'un des leaders de la lutte des Fralib, aujourd'hui membre du comité de direction de la SCOP. À l'intérieur de l'usine, au milieu des machines, c'est une sorte de grand hangar, une usine, comme une usine tout à fait classique. Hein. Là, c'est aujourd'hui, vous avez la chance de voir notre excellent thé vert à la menthe. Ah oui, qui est en train de défiler. Avec son nouveau packaging, c'est les premières boîtes avec le nouveau packaging. Et on est les seuls à le faire de cette manière-là. Nous, il n'y a aucun arôme dedans, tout est naturel. Ah, le laboratoire. Bonjour. Ça sent bon ici. Qu'est-ce que vous faites, la Raymonde, alors? Ben, là, on prépare un changement de produit. La ligne était en thé vert menthe citron. Et là, on passe en thé caramel. Donc, je prépare les dégustations avec un standard pour que Nadine vienne déguster le produit. Voilà, là, c'est bon. Ah, c'est comme pour le vin, hein. Vous mettez dans la bouche et hop, vous recrachez. Vous, Raymonde, ça fait combien de temps que vous travaillez ici? 25 ans. 25 ans? Oui, avant et maintenant à Skopje. Et oui. Votre salaire, il est de combien alors? 1535 euros. En net? Net, d'accord. Dans ma poche. Ça va? Ça va. C'est vrai qu'on gagnait plus, mais... Vous gagnez plus avant? Oui. Quand vous étiez chez Fralib? Chez Fralib, oui. Mais bon... Vous étiez à combien? 2000. Mais bon, on s'habitue, on a ça, ben on fait avec ça. Il vaut mieux ça que galérer au chômage. Ils voulaient m'envoyer en Pologne, il y avait 250 euros, donc je suis mieux ici. Unilever? Oui. Il m'avait envoyé la lettre pour la Pologne, donc je suis mieux ici, non? Comment vous vous appelez? Je m'appelle Issaoui Nasserdi. On a voté les salaires. On aurait pu se mettre des salaires de suite à 3 000 euros. On aurait planté, on n'aurait peut-être pas duré un mois ou deux, on aurait duré. L'ambiance, c'est pas la même. Je rentre dans les bureaux de la logistique. Eux, ils s'occupent d'alimenter les grandes surfaces, ils s'occupent des commandes, donc ils ont le chiffre d'affaires devant eux. Donc je rentre dans le bureau, sans exagérer, au moins 4-5 fois dans la journée. Voilà, et là c'est le bureau direction ressources humaines et syndicats. Tout ça réuni dans un seul bureau. Olivier Leberquier, je suis un des coopérateurs de SCOPTI. Donc j'étais le délégué syndical CGT de Fralib. Votre chiffre d'affaires, il est de combien? La première année, en 2015, il était de 467 000 euros. En 2016, on l'a multiplié par 4. 2017, on a passé la barre des 3 millions, 3 millions 40. On espère atteindre 3 millions 274. On sera plutôt proche des 3 millions 100 aujourd'hui. Mais on reste encore en progression, donc ça c'est intéressant. Et on a des gros contrats qui devraient arriver dès 2019, où on devrait faire plus d'un million de chiffre d'affaires supplémentaires. Et horizon 2020, atteindre les 5 millions d'euros. Alors c'est une entreprise qui marche très bien. Ah, c'est une entreprise. Une SCOP entreprise qui marche très bien. C'est une SCOP qui marche très bien, qui progresse très bien surtout, mais qui est très fragile d'un point de vue économique, puisqu'à tout moment, la belle aventure peut s'arrêter liée à des problèmes de trésorerie. C'est une réalité, donc tous les mois, on se bagarre. On a un besoin de trésorerie par rapport à notre activité d'aujourd'hui, entre 1,5 million et 2 millions. On a la Banque publique d'investissement qui a garanti les crédits pour SCOPTI à hauteur de 70%. Néanmoins, ça n'a pas suffi. C'est les banques qui vous ont dit, voilà, malgré la garantie de la BPI. Malgré la garantie de la BPI, on ne fait pas le crédit. Alors, on a aussi, parce que la BPI garantir, c'est bien, mais bon, on sait que la BPI est capable de financer. Hein, c'était 400 000 qu'on demandait. On est capable de donner des milliards d'un côté pour le nucléaire. Peut-être que pour des petites plantes infusion, on pourrait en avoir. Mais non, là, à aujourd'hui, silence radio de ce côté-là. Et est-ce que vous pensez que malgré les refus successifs des banques, de la BPI et des pouvoirs publics, cas, à un moment donné, ils pourront changer d'avis. Bah oui, on est en discussion. Bah là, pour rien vous cacher, la semaine dernière, on a reçu notre conseillère d'une des deux banques. On attend un retour de sa part, de voir comment la banque va pouvoir se positionner. Mais aussi, on a ouvert la possibilité de prise de fonds participatifs. Donc là, on a déjà deux mutuelles qui ont pris des parts de fonds participatifs, une à hauteur de 500 000 euros, l'autre à hauteur de 50 000 euros. Donc voilà, ça fait maintenant quand même plus de 4 ans qu'on a créé la coopérative. Je pense que beaucoup de nos adversaires de classe en face espéraient et pensaient qu'au bout de 2 ans ou 3 ans maximum, on serait plus là. Bah, désolé pour eux, on est toujours là et on a bien l'intention d'y être encore pour pas mal d'années. Voilà, l'infusion du nord au sud. Qui symbolise la fermeture de l'usine de Marseille et la fermeture de l'usine du Havre. Pour le nord, la pomme. Pour le sud, les feuilles d'olivier et le citron. Ah, mélange exceptionnel, l'infusion du nord au sud. Ça vient de sortir. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, Amine Guénim, ce que vous venez d'entendre? Je rappelle que vous étiez l'avocat d'Efralib, donc vous connaissez le dossier mieux que personne. Et là, voilà, c'était important de créer une SCOP, ce qui était important aussi de savoir si elle était viable, avec la preuve de la viabilité, c'est-à-dire avec le temps. Et là, elle marche, fonctionne. Alors, c'est pas facile, mais ça fonctionne. Elle fonctionne et je m'en réjouis, bien évidemment, et je suis absolument persuadé qu'elle fera son chemin et que ses salariés réussiront dans la réalisation de leur projet, de leurs ambitions. Les difficultés sont sérieuses. Certaines ont été évoquées, notamment en matière de financement. Je trouve absolument anormal que la Banque publique d'investissement ne concourt pas au financement de leur projet et de leur développement. Cette banque a quand même été conçue pour cela. Elle finance d'autres activités. Je trouve absolument anormal que les pouvoirs publics ne se préoccupent pas du développement de telles activités. Alors les difficultés sont nombreuses. Le circuit commercial, comme vous le savez, ça reste encore la grande distribution, y compris dans ce monde tellement difficile et complexe. Cette coopérative trouve une place aujourd'hui, arrive à placer ses produits. Ces salariés aujourd'hui sont confrontés à des difficultés nouvelles. Donc nous sommes dans des conditions de production complètement différentes que celles que nous connaissons de façon classique. Et ils sont confrontés à des problèmes nouveaux en termes d'organisation du travail. Parmi ces questions, par exemple, est-ce que l'efficacité et la productivité sont compatibles ou non avec la hiérarchie ? Est-ce qu'il faut une discipline, y compris dans une coopérative ? La question des salaires, faut-il fixer les salaires de façon classique comme on le fait dans une entreprise ou faut-il donc aborder d'autres dimensions? C'est vraiment une expérience qui est absolument intéressante et j'ai eu l'occasion de leur dire une fois, je crois qu'ils sont condamnés à réussir. Pourquoi? Parce qu'ils ont constitué, ils continuent encore de constituer un exemple pour d'autres luttes. Avec les Fralib, on a la preuve que souvent les fermetures d'usines sont injustifiées. Eux, ils constituent un vrai exemple. C'est la preuve aussi qu'on peut réussir des projets pour peu qu'il y ait de la mobilisation et pour peu que d'autres partenaires s'impliquent. Là, par exemple, je tenais quand même à souligner que la collectivité locale, la communauté urbaine de Marseille, a été d'un rôle important et décisif. Donc, quand il y a cet effort, on peut encore, dans notre pays, préserver un certain nombre d'activités au lieu de nous installer dans cette fatalité des licenciements économiques et des fermetures d'usines. Je suis convaincu qu'ils feront encore du chemin et qu'ils réussiront. En 2017, il y avait 2366 SCOP en France, qui représentaient 50 650 emplois. Vous savez comment se portent les SCOP en général dans ce pays? Alors c'est très inégal, hein. Vous en avez qui se portent très bien. J'en connais une autre, c'est la Belle Aude, fabrique de glace du côté de Carcassonne, qui elle-même avait fermé son site local, elle se porte très bien. Vous avez d'autres expériences où on a encore des difficultés. Mais si vous voulez, sur le principe, je pense que ce qui est important, c'est de partir de cette idée qu'on peut encore faire des choses dans notre pays pour sauver l'emploi et pour préserver donc des sites industriels plutôt que d'aller dans la facilité de leur fermeture. Et surtout, je le répète encore une fois, quand c'est totalement injustifié. Je crois qu'il y a encore des choses à faire pour peu que les pouvoirs publics entendent les salariés. Oui. Mais justement, est-ce que ce côté autogestionnaire pouvoir local qui échappe à un certain nombre de pouvoirs, notamment institutionnels. Est-ce que ça fait pas peur, justement, aux institutions? Ben, ça peut les inquiéter. Le problème, c'est d'aller voir, de regarder comment ça se passe. Vous avez un site qui fonctionne tout à fait normalement, avec des rapports de production qui sont humains. Voilà. Vous avez d'autres rapports que ce rapport hiérarchique. Vous avez d'autres conditions. Et c'est conditions. Possible, pardon, vous coupez là-dessus, mais oui. Sur les rapports hiérarchiques, on connaît la nature humaine dans le travail. Il y a toujours des petits chefs, toujours des gens qui veulent commander les autres. Ça, c'est voilà. Comment on arrive à casser un peu, enfin en partie la hiérarchie. On y arrive, ça fonctionne. On y arrive, ça a été difficile. Je ne vais pas vous dire que tout s'est bien passé dès le départ. Donc il y a eu des discussions très difficiles, y compris au sein du collectif. Il y a même eu des moments de tension. Mais avec le débat, avec les explications nécessaires, ils ont pu dépasser ces difficultés. Et vous avez pu peut-être le constater à l'occasion de votre reportage. Vous avez vu un collectif donc soudé, où on échange, où on met à profit les capacités de chacun, son esprit d'initiative, et plutôt que d'avoir des règles autoritaires et qui écrasent complètement toute cette capacité d'initiative de l'être humain. C'est à cela qu'il faut mettre fin. Amine Ghanim, merci beaucoup. On peut considérer que la lutte des Fralib sur ce terrain aura été exemplaire. Absolument, bon. Je le pense véritablement. Merci de m'avoir invité à votre émission. Mais je vous en prie, merci de nous avoir éclairé. Je voudrais, puisque nous en sommes au remerciement, remercier précisément le documentariste Claude Hirsch, qui a réalisé des documentaires sur la lutte des Fralib et dont nous avons diffusé un extrait pendant le récit de son documentaire. Remerciement également à Charlotte Bien-Aimée de France Culture pour son documentaire La lutte des Fralib, dans lequel nous avons également, et avec son autorisation, puisé. Voilà, merci à tout le monde. C'était le mot de la fin. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les Fralib, donc une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles des sites de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livres référencés, vos commentaires. Si le cœur vous en dit, merci enfin à Loïc Frapsos qui était à la technique.